Activité 8. C'est qui? Tu ne la connais pas? Non. C'est une actrice anglaise. Elle est très célèbre. Comment s'appelle-t-elle? Christine Scott Thomas. Elle est américaine? Non, elle n'est pas américaine. Elle est anglaise. Et lui? C'est Mika. C'est un chanteur. Mais il n'est pas francophone? Si, il chante en français, mais il n'est pas français. Ah oui! Il est libanais, non? Oui, c'est ça!